Certains scientifiques sont prêts à aller très loin pour faire avancer la connaissance dans leur discipline. C'est le cas de Samuel Vergès. Depuis plusieurs années, ce chercheur, ancien alpiniste de haut niveau, s'intéresse au mal des montagnes. Il étudie les effets du manque d'oxygène lié à l'altitude sur le corps humain. Pour les besoins de ses recherches, il n'hésite pas à affronter des conditions parfois extrêmes. En 2015, il s'est rendu au cœur de l'Himalaya avec d'autres scientifiques pour installer à 5000 mètres d'altitude un véritable petit laboratoire. Sous la neige et dans le vent, les chercheurs ont fait passer à la cinquantaine de volontaires qui les accompagnaient toute une série de tests physiologiques. Plus récemment, en février dernier, notre biologiste baroudeur a dirigé une expédition dans la ville la plus haute du monde, perchée à 5300 mètres dans la cordillère des Andes, pour tenter de comprendre comment les habitants s'étaient adaptés à ces conditions de vie extrêmes. Qu'ont découvert les chercheurs grâce à ces expéditions? Comment se déroulent-elles exactement? C'est ce que va nous raconter Samuel Vergès dans un instant. Et en fin d'émission, nous partirons en Indonésie à la rencontre des gibbons avec Shani qui, depuis plus de 20 ans, mène des actions sur le terrain pour protéger ces singes menacés. Voilà pour le programme de notre deuxième heure. France Inter. Synapse, Daniel Fievé. Ben là, voilà, ça fait 3-4 heures qu'on roule depuis Puno et on arrive enfin à la Rinconada, qui est la ville la plus haute du monde. Les conditions sont vraiment particulières, la route est défoncée, c'est inondé de partout, la montagne est retournée. Voilà, et c'est pourtant là qu'on va passer plusieurs semaines pour étudier la population la plus haute du monde. Bonjour Samuel Vergès. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM et au laboratoire Hypoxie et Physiologie de l'université Grenoble-Alpes. Nous entendions à l'instant Axel Pittet, l'un des membres de l'expédition 5300 que vous avez dirigé au début de l'année dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, au Pérou. À quel point l'air que les hommes et les femmes qui vivent dans cette ville est différent de celui que l'on respire en plaine? Alors, la haute altitude, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de stress de l'environnement qui s'applique sur l'organisme, mais le stress majeur, c'est quand même la quantité d'oxygène disponible qui diminue au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude. Et dans cette ville, donc à plus de 5000 mètres d'altitude, eh bien, c'est tout simplement moitié moins d'oxygène qui est disponible par rapport au niveau de la mer, par exemple à Paris. Ouais. Cette ville se situe à 5300 mètres d'altitude. Hein. Autrement dit, elle est plus haute que le sommet du Mont Blanc, 500 mètres plus haut. Comment le corps se comporte à de telles altitudes? Eh bien, donc, ce moitié moins d'oxygène pour l'organisme, c'est un stress majeur. On dépend directement de l'oxygène, nous autres humains. Et donc, avec moitié moins d'oxygène, il y a toute une série d'adaptations ou de difficultés d'adaptation qui se mettent en place. Et puis, il y a le temps auquel on est exposé à cet environnement-là. Un alpiniste peut grimper au sommet du Mont Blanc, voire encore plus haut, en quelques heures, quelques jours, et redescendre. Et c'est déjà pas facile, mais ça va. Mais lorsque l'on y passe des années, alors là, il y a d'autres phénomènes d'usure du fait du manque d'oxygène qui se mettent en place. Et donc, jusque-là, en fait, on considérait que l'homme n'était pas capable de vivre en permanence au-delà de 5000 mètres. C'est ça, parce que la Rinconada est une ville récente. Elle s'est développée au début des années 2000, parce qu'il y a une mine d'or à proximité. Et le fait que des hommes se soient installés là pendant des années et des années est en fait une surprise pour les scientifiques. On ne pensait pas qu'il était humainement possible de séjourner longtemps à cette altitude. Oui, voilà, c'est vraiment dans les documents, dans les livres de référence dans le domaine, on dit que l'homme, globalement, n'est pas capable de vivre au-dessus de 5000 mètres d'altitude, et c'est tout simplement le constat qu'on fait quand on regarde les lieux d'habitat en Himalaya ou ailleurs. Sauf que quand même, on savait qu'il y avait ce campement, ou en tout cas ce lieu de cette mine qui existe quand même, il faut le savoir, depuis les Incas, les Espagnols sont venus là, donc c'est en fait un lieu de vie et de travail très ancien, mais c'est vrai qu'il s'est fortement développé depuis une vingtaine d'années. Et ceci à plus de 5000 mètres, mais si c'était présent dans les cartes, dans certains livres, d'un point de vue médical, scientifique, on n'avait jamais vraiment constaté la chose. Et donc là, c'était l'occasion. Alors, les habitants de la Rinconada ne sont pas touchés par ce que l'on appelle le mal aigu des montagnes, que vous étudiez aussi, on en parlera dans la suite de cette émission. Là, eux, ils sont touchés par le mal chronique des montagnes. C'est ce qui vous intéressait en allant à la rencontre de ces habitants. Voilà, c'est donc il y a ce concept de mal des montagnes, c'est-à-dire une difficulté à tolérer le manque d'oxygène en altitude. Nous autres, lorsqu'on se rend en altitude pour un trekking ou autre, on est touché par le mal aigu des montagnes, c'est-à-dire dans les premières heures, les premiers jours d'exposition à la haute altitude, c'est la fatigue, le mal de tête, etc., et qui disparaît si tout va bien en quelques jours. Oui, parce qu'on s'acclimate. La plupart des gens finissent par s'acclimater en altitude. Voilà, c'est ça. Ou alors on redescend. Par contre, bien sûr, ces habitants qui sont là pour des années, eux, ils ont passé ce cap du mal aigu des montagnes, mais eux, ils sont touchés par quelque chose que nous autres, on ne connaît donc pas lorsqu'on passe quelques semaines en altitude. C'est le mal chronique des montagnes. C'est, on peut dire, une certaine usure de l'organisme, un manque d'adaptation complet à cet environnement qui fait qu'un certain nombre de mécanismes s'emballent ou sont insuffisants et nuisent à la santé, des fois de façon très grave à ces habitants. Quelle proportion de la population de la Rinconada souffre du mal chronique des montagnes ? Alors, le mal chronique des montagnes, donc c'est spécifiquement chez les populations qui habitent au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Les populations les plus hautes d'altitude qu'on connaissait, autour de 4000 mètres d'altitude au Pérou, ont une prévalence, donc on appelle ça une fréquence de ce mal chronique des montagnes de l'ordre de 10-15%. Et nous, les premières données qu'on a pu collecter sur un large échantillon dans cette ville de la Rinconada, là on est à plus d'un quart de la population qui présente cette intolérance à l'altitude. Un quart de la population, ça veut quand même dire que trois quarts de la population se portent pas si mal que ça, malgré les conditions extrêmes. Et c'est précisément ce qui vous a intrigué, c'est ce qui vous a conduit à aller jusque là-bas. Oui, les questions qu'on s'est posées, c'est comment l'homme peut vivre à une telle altitude, quelles sont les adaptations qu'il met en place, mais aussi pourquoi un certain nombre y arrive et pas d'autres. Pourquoi ces 25%, malgré qu'ils sont là aussi depuis des années, depuis générations, pourquoi eux, ils n'y arrivent pas? Et puis la question qui vient aussi après, c'est la population qui n'est pas encore malade actuellement, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, elle va être toujours en bonne santé? Et alors c'est ce qui vous a conduit donc en février dernier, hein, c'est tout récent, début 2019, dans cette ville qui se situe donc dans les Andes péruviennes, non loin de la frontière avec la Bolivie. Et il faut le dire, ça a été une véritable aventure, à la fois scientifique, mais humaine aussi, parce que cette ville est vraiment particulière. D'abord, difficile d'accès, hein, on l'entendait au début de l'émission, elle est très isolée, avec des routes défoncées pour y parvenir. Et puis, une fois arrivée, la ville, quand même, décrivez-nous cette ville. Oui, c'est difficile de concevoir qu'à notre époque, il y a encore des lieux où on n'accède pas si facilement, où on peut ne pas conduire des recherches, etc. Mais là, si cette ville, encore une fois, elle était dans les récits, dans les livres, elle est très peu accessible. Alors c'est vrai au niveau déjà géographique, au niveau logistique, de fait la route, enfin il n'y a pas de route en fait, c'est un chemin de terre, etc. C'est vraiment très loin de la moindre ville. Mais c'est aussi une ville qui n'est pas du tout structuré au niveau logistique, au niveau infrastructure et même au niveau administratif. Donc c'est un petit peu une zone sauvage, je dirais, avec pas d'infrastructure sanitaire, pas de traitement des eaux, pas d'eau courante, pas de sanitaire, pas de ramassage des ordures. Donc, des monceaux d'ordures sur des kilomètres et des kilomètres à l'entrée de la ville qui s'amoncellent. On n'est pas loin du bidonville, en fait, quand on parle. Oui, il y a un côté, alors pour nous qui arrivons comme ça d'Europe, oui, on a l'impression d'avoir un bidonville accroché à la montagne en dessous des glaciers. C'est une drôle d'impression. Je dirais que moi, j'y suis venu en mission de reconnaissance l'année dernière avant d'y aller avec toute mon équipe cette année. On a un peu l'impression, pour résumer, d'être dans un autre monde, un petit peu sur la Lune. Et je dirais presque que sur le coup, on en oublie presque l'altitude qui est extrême, le stress de l'altitude. Ouais. Mais il y a tellement de choses déboussolantes autour de nous. Toutes ces cabanes en tôle, parce qu'en fait, c'est pas des maisons, c'est des cabanes en tôle accrochées à la montagne. Il n'y a bien sûr pas de rue, c'est des sentiers qui... Très boueux. Très boueux. Donc, on a tous ces mineurs, on a l'impression d'être à Germinal, quoi, en fait. Ouais. Hein, ils sont dans la rue, ils se baladent en tenue. Dans les magasins, dans les petites échoppes au bord de la rue, ben on vend un pic, on vend un marteau. Donc c'est vertigineux. Ouais. 18 000 mineurs, beaucoup sont venus pour faire fortune, attirés par l'or, des nombreuses petites mines artisanales que l'on trouve autour de la ville. Cette pépite vient d'une profondeur de 800 mètres à l'intérieur d'une veine dans la montagne. Après, on la remonte. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Mais il faut de la chance. Je suis venu pour chercher du travail, pour gagner un peu d'argent pour ma famille, pour l'école de mes enfants. C'est très dur. On travaille la nuit, on se repose très peu. Des conditions de vie, des conditions de travail très dures pour ces mineurs, une population pauvre qui rêve de faire fortune. on a l'impression qu'une voilà, c'est une sorte de Far West en haute altitude dans lequel vous vous êtes rendu. Il semble que la ville ne soit pas très sûre, des truands, très peu de police. C'est un peu la loi du plus fort. Oui, voilà, c'est sûr que par rapport à nos standards, que ce soit économique, sanitaire, même écologique, on est vraiment hors norme là-haut. C'est vrai que les conditions de travail, par exemple, les mineurs ne sont pas rémunérés régulièrement. C'est l'or qu'ils trouvent éventuellement le dernier jour du mois qui constitue leur rémunération. Sinon, le reste du mois, ils travaillent pour le responsable de la mine. Donc, tout ça est vraiment hors norme et nous bouscule complètement. Donc, malgré tout, on habite avec ces gens-là et puis on se familiarise à cet environnement-là, mais c'est vraiment hors norme par rapport à ce que l'on vit et par ailleurs. Le contexte dans lequel vous avez dû mener cette expédition n'était, on l'entend, pas facile. Comment vous vous êtes préparé à affronter cet univers ? Alors bon, il y a un aspect, je dirais, professionnel qui fait que on est parti pour implanter un laboratoire, une quasi-clinique, dans un environnement totalement dépourvu de tout ce dont on a l'habitude, que ce soit de l'électricité, de l'eau, du chauffage. Donc il y a vraiment tout un aspect logistique très très compliqué. Il y a un aspect humain, plusieurs aspects humains, je dirais même. Il y a d'abord notre équipe de chercheurs. On est exposé d'un coup à plus de 5000 mètres d'altitude, donc ça nous fait quand même, je dirais, assez drôle, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Vous-même, vous étiez finalement sujet aux difficultés que provoque le manque d'oxygène en altitude. Donc nous, là, on est dans ces conditions-là, sujet les premiers jours au mal aigu des montagnes. Bon, on est tous des chercheurs qui avons déjà été exposés en haute altitude et globalement, on est correctement tolérants, je dirais, mais ça n'empêche qu'on doit travailler très fort pour monter le laboratoire, lancer les investigations, alors même qu'on est en phase d'acclimatisation et que c'est compliqué. Donc, il y a cet aspect humain-là. Puis l'autre aspect humain, c'est nous autres en relation avec la population qui avait une attente énorme par rapport à notre venue. Ouais. Comment vous avez été accueilli par cette population ? Alors en fait, on était annoncé puisque notre venue a été possible qu'en partenariat avec la coopérative. Il y a une coopérative locale qui regroupe les principaux propriétaires de mines. Et donc c'est grâce à eux qu'on a pu avoir tout le soutien logistique minimum pour arriver à monter là-haut et à s'installer. Et donc notre arrivée a été annoncée auprès de la population et donc on a été vu. C'est vrai qu'on a été vus comme des médecins potentiels tous. Oui, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu ? Parce que finalement, cette population, on le comprend, qui vit dans des conditions assez insalubres, qui doit être touchée par de nombreuses pathologies. En vous voyant arriver, vous médecins, est-ce qu'ils n'attendaient pas de vous que vous les soigniez ? Oui, voilà. Donc c'est une ville où il n'y a quasiment aucun soutien médical pour donc plus de 50 000 habitants. Et donc pour eux, la recherche, la médecine, c'est un tout. Et donc ils avaient surtout dans leur tête la possibilité d'accéder à quelques soins médicaux, mais que ce soit pour un mal à la cheville, pour un mal de tête, etc. Donc il a fallu rapidement expliquer notre démarche. En fait, ça a été dans les premières minutes. En fait, on avait des dizaines de mineurs qui nous attendaient à l'endroit où ils savaient qu'on allait s'installer et qui nous ont tout de suite aidés à vider tout notre matériel, etc. Et puis on s'est retrouvé à faire une réunion publique, je dirais, pour dire qui on était, qu'est-ce que l'on venait faire et qu'est-ce qu'éventuellement on ne pourrait pas faire quand même. Et vous avez fait passer donc toute une batterie de tests à 1 000 000 d'habitants avec des médecins de différentes disciplines. Alors là, on fait un test d'effort, un test d'effort qu'on appelle sous-maximal, c'est-à-dire que pas des grosses intensités. Ça permet de mesurer le débit cardiaque et les pressions pulmonaires à différents niveaux d'intensité, avoir plusieurs points. Le but, c'est au repos, on ne voit pas obligatoirement beaucoup de choses. On voit des pressions pulmonaires qui sont un tout petit peu plus élevées. Par contre, dès qu'on augmente le débit cardiaque, on leur demande de faire un effort, on voit que les pressions montent de façon plus importante. Donc ça permet de sensibiliser un petit peu l'hémodynamique pulmonaire. Alors ici, on teste la réactivité de l'artère cérébrale moyenne avec la respiration. Donc à l'hypercapnie, quand le CO2 monte, les vaisseaux cérébraux se dilatent et on essaie de mesurer ça. Et ensuite à l'hypocapnie, quand on respire plus rapidement, le CO2 diminue. Et les vaisseaux, en fait, se rétrécissent et c'est ça qu'on regarde ici. Samuel Vergès, sur quoi portait l'ensemble des tests exactement que vous avez fait passer à ces habitants de la ville la plus haute du monde ? Alors on avait vraiment une batterie de tests assez exhaustive. Il faut savoir que chaque mineur qui était volontaire pour participer à notre étude nous consacrait 2 journées en fait. Donc c'est l'équivalent de 2 journées passées dans une clinique ou un hôpital. Et ça allait depuis les prélèvements sanguins, les analyses sanguines, les prélèvements de salive et puis tout un tas de mesures de la fonction cardiovasculaire, des vaisseaux, du cœur, du cerveau, de la respiration. On leur faisait faire un test d'effort, donc pour voir comment leur organisme s'adaptait dans ces conditions-là au fait de faire un effort physique. Et puis on a analysé même leur sommeil. avec des analyses dans leur lieu de sommeil. Donc, toute une batterie de thèses qui nous a donné un peu des caractéristiques globales de santé de ces habitants. Et alors, avant même que les analyses comparatives soient faites ensuite de retour en France, sur place, les médecins déjà se rendaient compte de différences notables chez ces patients qu'ils avaient pour faire leurs tests. On se rend compte qu'au niveau de la réactivité cardiovasculaire, ils ne sont pas forcément très au top, on va dire, comparativement à ce qu'on pourrait avoir chez les natifs de basse altitude. Des cœurs droits qui sont beaucoup plus volumineux, dilatés, que ce soit l'oreillette droite ou le ventricule droit. Il y a un niveau de pression pulmonaire au repos comme à l'effort qui semble plus important quand même. Bon, les risques, c'est qu'à long terme, ça puisse s'épuiser un petit peu le cœur, et puis ça doit limiter un petit peu leur performance à l'effort. Chez ces gens qui travaillent quand même de façon très physique. C'est sûr qu'on a vu pas mal de différences, en tout cas rien que pour les prélèvements, c'est déjà beaucoup plus dur. C'est dû à l'hématocrite qui est beaucoup plus élevé, le sang qui est plus visqueux. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à prélever le sang. Alors le sang plus épais, déjà rien qu'au moment des prélèvements, les médecins s'en sont aperçus, hein, c'était très difficile de faire des prises de sang sur les habitants de la ville. Mais depuis, vous avez un petit peu regardé ça de plus près, et effectivement, le pourcentage de globules rouges dans leur sang est phénoménal. Oui, tout à fait. Donc nous, aller en altitude, aller en montagne, on se dit, je vais gagner quelques globules rouges, les sportifs y vont pour ça, et c'est plutôt bien pour notre santé, même pour nos capacités à l'effort. Mais eux, ce mécanisme-là, il s'emballe en quelque sorte au fur et à mesure des années, et ils produisent une quantité de globules rouges en sang qui devient gigantesque. En fait, on a mesuré des quantités totales, des masses de globules rouges les plus élevées jamais mesurées chez les hommes. Et ce qui fait que ce sang, par contre, certes, il transporte beaucoup d'oxygène, mais par contre, il devient visqueux, quasi pâteux. Et il le devient dans nos tubes et dans nos seringues quand on les prélève, mais bien sûr, il l'est aussi dans tout leur vaisseau. Et le cœur qui est censé d'activer ce sang-là peine beaucoup, en fait. C'est-à-dire que là où habituellement dans le sang, on a 40% de globules rouges, hein, le reste ce sont des globules blancs, le plasma, là, on atteint des taux de 85% de globules rouges. Ouais. Si on transposait ça, si en France, à hauteur, à l'altitude de la plaine, quelqu'un avait de tels résultats sanguins, il est hospitalisé immédiatement. Oui, et puis même, il aurait rapidement des espèces de bouchons de sanguins qui se créeraient, parce qu'on n'a pas du tout les vaisseaux et le cœur fait pour arriver à survivre, à faire circuler un tel sang. Donc c'est vraiment des valeurs de fait qui seraient des cas de pathologie extrême et quasi fatale pour nous autres. Qu'est-ce qui explique que ces populations tiennent relativement bien le coup, finalement, dans ces situations-là, et sont capables d'avoir un sang visqueux, et même si on sent que tous ne sont pas très en forme, ils tiennent le coup, et pendant plusieurs années. Alors, ils ont des mécanismes de compensation, quand même, qu'on est encore en train d'analyser. C'est sûr qu'ils ont un cœur qui travaille beaucoup, ils ont des vaisseaux dilatés, qui donc des diamètres de vaisseaux beaucoup plus grands que nous, pour essayer de laisser circuler ce sang-là. Et puis, d'autres mécanismes, probablement, dans la qualité physique de ces globules rouges. Ils ont des globules rouges qui sont physiquement, sans doute, différents des nôtres. Et tout ça a été acquis au fur et à mesure des milliers et des milliers d'années de présence à ces altitudes-là. Alors nous allons revenir à ces mécanismes d'adaptation parfois génétiques qui se mettent en place avec vous, Samuel Vergès. Il faut aussi savoir qu'avant cette expédition dans la ville la plus haute du monde, vous aviez mené d'autres expéditions en très haute altitude. Dans un instant, vous allez nous raconter celle que vous avez menée dans l'Himalaya, sur les flancs de l'un des plus hauts sommets du monde, dans des conditions particulièrement périlleuses, avec une cinquantaine de volontaires. Le vent n'a pas fini de souffler dans nos synapses cet après-midi sur France Inter. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, muge. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Ressasse-moi mes souvenirs. soutenir. Je serai jamais éteint, hautain, lointain. Pour que tu sois bien, fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel. Pour que tu sois belle, je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je le temps passe à pas géant. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. C'était Fais-moi une place, Julien Clerc. France Inter. Du vent dans les synapses. Là, il faut qu'on charge tout ça sur nos épaules. Et voilà. On est à 1362 mètres du sommet. On arrive au base camp. On y arrive. Quelques tentes sont déjà montées. Il y a énormément de vent. Maintenant, tout le monde est arrivé. Nous sommes probablement proches de 80 personnes, porteurs, chercheurs, participants présents sur le site. Et demain, la dernière journée de l'expérimentation, si tout va bien. Parce que des contraintes que l'on a, c'est la puissance, l'électricité disponible. Et on espère que demain, on pourra terminer par une journée complète, ce qui n'est pas gagné vu la météo neigeuse que l'on a eue et que l'on risque d'avoir encore demain. Donc on croise les doigts pour demain pouvoir terminer nos dernières expérimentations. Notre invité Samuel Vergeste, physiologiste à l'INSERM, s'intéresse à l'effet du manque d'oxygène sur le corps humain. Et à l'instant, Samuel Vergeste, nous étions à plus de 5000 mètres d'altitude sur les pentes du Manaslu dans l'Himalaya. C'est une expédition que vous avez menée en 2015. Dans des conditions, on en avait un léger aperçu avec le son, dans des conditions particulièrement éprouvantes. Oui, donc là, c'est 8 jours de marche pour arriver sur le lieu de notre laboratoire. C'est beaucoup plus que chaque matin. C'est du matériel à transporter, de l'électricité à créer avec des panneaux solaires, des avalanches, beaucoup de neige qui restait. À vrai dire, on a fini aussi par le fameux tremblement de terre sur place. Donc, C'était en 2015, juste après votre expédition, voilà. Le terrible tremblement de terre. Oui, on était sur le chemin du retour et donc on a été pris par le tremblement de terre. Donc voilà, faire de la recherche médicale dans ces conditions-là, c'est vrai pour nous, pour le matériel et pour les sujets, pour les porteurs qui sont avec nous, c'est vraiment un vrai défi. Et donc là, on avait étudié en fait la situation du trekking de personnes européennes qui se rendent en Himalaya pour faire un tour de sommet ou autre, et de voir quel était l'impact sur leur santé, pourquoi certains tombent malades et pas d'autres. Et donc on a étudié ça en conditions réelles sur le terrain. Oui. Donc là, c'était plus le mal aigu des montagnes que l'on évoquait brièvement en début de rencontre. Rappelez-nous les symptômes du mal aigu des montagnes. Donc pour ceux qui sont déjà là en altitude, ça va rappeler des souvenirs, j'irais. C'est principalement le mal de tête, des nausées, de la fatigue, des vertiges. Ça, c'est typiquement les symptômes du mal aigu des montagnes qui, si tout va bien, passe au bout de quelques heures, quelques jours, mais qui peut dégénérer en œdème pulmonaire ou œdème cérébral, et là, ça peut être très grave. Oui, c'est-à-dire qu'on peut mourir du mal des montagnes. Hein. Ouais. C'est pas juste un petit désagrément. Non, c'est à prendre très au sérieux lorsqu'on monte en altitude. Ouais. Ouais. Alors là, vous y êtes allé avec 50 volontaires qui vous ont accompagné. Alors sur les lieux, décrivez-nous. On n'a pas pris le temps de décrire le Manaslu. Ça ressemble à quoi? Oui, donc là, on était au mois d'avril, mais encore une fois, l'hiver avait été très, très neigeux et on était encore finalement dans des conditions hivernales. Donc on était dans un col bon, très venté, très enneigé, mais on a recréé avec des tentes un espèce de village où on a accueilli des volontaires, donc avec qui on était venu d'Europe pour grimper là, et qu'on a réévalué dans des conditions, j'irais, de trekking, mais aussi avec tout notre attirail médical, pour voir en particulier, voilà, qu'est-ce qui fait que certains et pas d'autres arrivent à s'adapter à cette altitude-là. Comment vous les aviez sélectionnés, ces 50 volontaires qui tout de même ont dû vous accompagner à pied jusqu'à ces altitudes? Oui, alors justement, on ne les a pas trop sélectionnés de façon très exigeante. On a voulu vraiment avoir une espèce d'échantillon grand public de personnes faisant un trek. Et donc, ils ont fait en fait un trek, sauf qu'on les a bloqués une semaine au point le plus haut du trek. Mmh. Pour voir dans quel état de santé, de capacité ils étaient. Donc, pas une forme physique particulière exigée ? Là, pour le coup, c'était une des spécificités de cette étude-là, c'était de prendre vraiment du grand public. Autant, par ailleurs, on étudie parfois des alpinistes de haut niveau, autant là, on avait un public de trekkers assez classique. Quels étaient l'âge de ces différents participants ? Alors justement, c'était assez varié, ça allait de 25 à 65 ans. Jusqu'à 65 ans, hein, des gens qui vous ont accompagné. Il y en avait même un peu plus âgé, on l'écoute. Mon nom est Andy Taylor, je suis médecin retraité. J'ai 67 ans. C'est mon troisième voyage au Népal, mon sixième en Himalaya. Peu à peu, la montée est devenue difficile. La troisième nuit, j'ai ressenti des difficultés à respirer. Je me suis réveillé avec des pauses respiratoires qui nécessitaient de respirer très fort pour se calmer. Mais c'est revenu. Le jour suivant, j'étais extrêmement fatigué. Sur conseil des médecins, je suis resté dans ma tente. On m'a donné du Diamox. Et ensuite, votre équipe m'a mis à disposition le masque à pression positive. Respirer avec ce masque est relativement intense, mais rapidement, on se sent apaisé. On se sent plus relax. Les conditions pour les participants étaient particulièrement difficiles, hein. On l'entend, ils ont payé de leur personne, ces gens qui vous ont accompagné. C'est quoi le masque dont ils parlent? Il fait partie des expérimentations. Oui, hein. Tout à fait, ça fait partie des innovations qu'on a développées ces dernières années. C'est donc un masque avec une résistance mécanique à la respiration qui est suffisante pour améliorer en fait la diffusion de l'oxygène dans nos poumons et qui, à une altitude donnée, nous amène à être mieux oxygénés et donc à mieux tolérer l'altitude. Allez, un aperçu des tests menés dans votre laboratoire installé à 5000 mètres d'altitude. Ok, Jeremy, you are the first. Le premier. Ok, we start. Les premières expérimentations. Oui, voilà, le premier sujet à Base Camp. Voilà, ça a un peu chaud à lancer, mais... ça fonctionne à part un appareil. Donc là, nous avons deux sujets qui passent sur le protocole PEP. Donc c'est une pression respiratoire positive pendant 45 minutes et on vérifie les constantes cardiaques, cérébrales, pulmonaires si l'appareil veut bien fonctionner. Et voilà, on va essayer de passer 8 sujets aujourd'hui dans la journée. Si l'appareil veut bien fonctionner, Samuel Vergès, hein, les conditions, on s'en rend pas vraiment compte, mais les conditions dans lesquelles vous avez travaillé, le vent, les températures négatives, il faut réussir à faire marcher toute cette technologie de pointe avec des panneaux solaires, il neige, il faut nettoyer en permanence les panneaux solaires. C'est très compliqué de mener ce genre d'expérience. Oui, on fonctionne avec des technologies de plus en plus avancées dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la médecine, mais qui sont pas du tout faites pour être mises dans de telles situations. Donc, on travaille y compris avec les compagnies, les sociétés qui construisent ces équipements pour les rendre compatibles autant que possible avec ces conditions extrêmes. Ouais. Alors ça vous a permis de voir quoi? Notamment là, on entendait sur le cœur. Comment le cœur réagit-il confronté soudainement à la haute altitude? Alors pour différentes raisons, son travail est accentué, il doit lutter contre des résistances à l'écoulement du sang qui sont plus importantes, donc il est forcément sollicité, en particulier dès que l'on est à l'effort. Mais globalement, ce que l'on montre, c'est que ce cœur, il a des fortes capacités d'adaptation et que finalement, c'est pas lui qui est le plus impacté par l'altitude, alors que par exemple, le cerveau lui a beaucoup moins de marge pour s'adapter à cette moindre disponibilité en oxygène et donc on a un cerveau qui est rapidement mis en difficulté du fait du manque d'oxygène. Alors beaucoup d'alpinistes, d'ailleurs, racontent qu'arriver au sommet, hein, quand ils font les plus hauts sommets du monde, ils ont une sorte d'euphorie, de délire proche de l'ivresse. C'est précisément le manque d'oxygène qui les fait délirer à ce point quand ils arrivent au sommet. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ce cerveau, encore une fois, c'est probablement l'organe le plus sensible au manque d'oxygène, et en particulier à l'effort, lorsqu'en plus l'oxygénation par les muscles et l'utilisation de l'oxygène est importante, on a un cerveau qui est probablement en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène, ce qui induit ces hallucinations, ces comportements des fois qui manquent de cohérence. Ouais. Lors de votre expédition Manaslu, vous vous êtes aussi intéressé aux effets du manque d'oxygène sur le sommeil. Quels ont été vos résultats? Alors c'est vrai que le sommeil, ben y compris d'expérience des alpinistes ou des trekkers, c'est une phase délicate de la journée lorsqu'on est en altitude. Typiquement, on dort mal. Hein, voilà, ouais. On dort mal. Alors souvent on incrimine le matelas ou le voisin, etc. Mais non, c'est réellement le manque d'oxygène qui perturbe notre respiration durant la nuit, au point que l'on manque encore plus d'oxygène durant la nuit, qu'on dort mal, et que ceci marque un certain nombre une lutte en fait de l'organisme dans cet environnement-là. Nous ne sommes pas tous égaux devant le mal des montagnes. Est-ce que les scientifiques sont capables d'expliquer pourquoi certains s'en sortent mieux en haute altitude que d'autres? Alors ça, c'est vraiment une question, un défi pour la connaissance face à l'hypoxie. C'est pourquoi de telles différences entre nous autres lorsque l'on est en trekking, alors qu'on est tous éventuellement entraînés en bonne santé. Certains vont tomber malades, parfois gravement, et d'autres vont rester, vont pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Pourquoi aussi des habitants de haute altitude au Pérou ou autres, certains restent en bonne santé alors que d'autres tombent malades? Ça, c'est vraiment un sujet d'étude sur lequel on se penche, sur lequel on a des pistes, mais qui reste quand même encore un défi à la connaissance. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance, avant de se lancer dans une aventure en altitude, si on va être sujet ou non au mal des montagnes? Alors c'est souvent la question qui est posée par quelqu'un qui projette un voyage en altitude, de prédire si ça va bien se passer ou pas. Alors on a des consultations de médecine de montagne, comme dans un CHU comme à Grenoble, où on essaye avec un certain nombre de tests de voir comment l'organisme répond au manque d'oxygène en laboratoire, ce qui donne des indications. Après, bien sûr, l'expérience est sans doute le meilleur indicateur. Est-ce qu'on est déjà monté en altitude et est-ce que ça s'est bien passé? Mais au bout d'un moment, on ne peut pas totalement prédire la réaction de nos organismes. Alors vos recherches, Samuel Vergès, ont aussi un intérêt pour des gens qui n'ont pas l'intention d'aller en haute altitude. Nous allons voir dans la suite de cette émission que pour mettre au point de nouveaux traitements, pour aider la recherche pour certaines pathologies, vos travaux ont un intérêt. Et puis vous avez l'intention d'ailleurs de mener de nouvelles expéditions. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et je vous présente aussi un nouveau venu dans Du vent dans les synapses, Mathieu Aoued, qui va nous emmener sur les traces de deux illustres alpinistes, Tenzing Norgay et Edmund Hillary, les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest. La maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit. Quand tu croises le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Happy. Je plie au chat, à la souris, cours plus après le bonheur. Quand tu es devant toi, il te sourit. Souris à la vie. C'était Thérapie, Mathieu Chédid. France Inter. Du vent dans les synapses. Et pour faire souffler le vent dans nos synapses, autour de la table, le physiologiste Samuel Vergès, et nous a rejoint Mathieu Aoued. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous partirons sur les pas d'explorateurs qui ont marqué l'histoire. Et pour cette première, vous nous emmenez sur le toit du monde. Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. En cette fin de mois de mai 1953, le monde célèbre un exploit à nul autre pareil dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, deux hommes ont posé les pieds sur la cime de l'Everest, à 8848 mètres d'altitude. À défaut d'une nouvelle terra incognita à découvrir, c'est vers les abysses, les cimes et les cieux que se tournent les esprits les plus intrépides. Tenzing Norgay et Edmund Hillary symbolisent ainsi le nouvel esprit de conquête qui agite la deuxième moitié du XXe siècle. L'Everest, c'est un absolu, parce qu'il n'y a pas de plus haute montagne sur la Terre. Je ne vois pas d'autre comparaison possible pour le situer que la conquête du pôle Nord ou celle du pôle Sud. C'est un succès qui est absolument indépendant des difficultés qu'il a pu présenter, et pourtant ces difficultés sont immenses, mais il est seul, jamais on ne refera quelque chose de comparable. À la base de ce célèbre duo, une complicité. Une complicité née dans les épreuves et les dangers. Début mai 1953, les deux hommes explorent la combe ouest de l'Everest. Près de la cascade de glace de Khumbu, Hillary saute imprudemment par-dessus les crevasses. Soudain, un bloc de glace cède sous son poids et le précipite dans le vide, vers une mort glacée et certaine. Mais le Sherpa Tenzing Norgay réagit rapidement et bloque immédiatement la corde qui le relie à son compagnon. Le soir même, revenu au camp de base, Hillary, reconnaissant, se répand en louanges dans son journal et qualifie Norgay de compagnon admirable. Tenzing et moi avons souvent escaladé ensemble. Nous sommes devenus un bon duo. C'est l'exemple d'une équipe unie où chacun protège l'autre. Pourtant, personne au sein de l'expédition anglaise n'envisage que Tenzing Norgay fasse partie de ceux qui poseront le pied au sommet. John Hunt, le chef de l'expédition, sait que le Népalais se montre méfiant envers des Anglais qu'il juge hautains et plein de préjugés à l'encontre des Sherpas. Mais les faits sont là. Tenzing est de loin le plus expérimenté et son endurance impressionne ses compagnons, qui le surnomment même « Trois poumons ». Sans les Sherpas, vous ne pouviez pas gravir l'Everest. Mon père était le maître. Les gens le respectaient. Ils savaient qu'il réalisait l'ascension de l'Everest avec des étrangers depuis 1935. Il y était déjà monté 6 fois, vous savez. Il faut dire que les Sherpas bénéficient d'atouts considérables. Une récente étude, menée par des chercheurs britanniques et publiée dans l'Académie américaine des sciences, a mis en évidence que l'organisme des Sherpas était bien plus efficace pour utiliser l'oxygène, et ce, même à basse altitude. Des capacités qui étonnent aujourd'hui encore, comme le confie l'alpiniste Patrick Esbrun. Certains Sherpas sont incroyables. L'un d'entre eux est parti tôt ce matin avec une charge de 50 à 60 kg de kérosène. Il le monte au camp 2 et il est déjà revenu. C'est incroyable. 60 kg, de 5300 à 6400 mètres en un jour, plus le retour. Le 6 mai 1953, John Hunt l'annonce. Si Tom Bourdillon et Charlie Evans échouent, ce sera au tour de Edmund Hillary et de Tenzing Norgay de tenter leur chance. Le reste appartient à l'histoire. Nous franchissions une crête, puis une autre, et le sommet ne semblait pas vouloir se rapprocher. Finalement, après une nouvelle crête, j'ai levé les yeux et j'ai vu un petit monticule. J'ai compris alors que nous étions au sommet. Victorieux, les deux hommes se séparent à Katmandou. Tandis que Hillary est anobli par Elisabeth II, Tenzing Norgay devient, lui, une véritable icône au Népal et en Inde. Sa victoire fait connaître au monde entier l'ethnie Sherpa, littéralement les hommes de l'Est. Dans le sillage de Norgay, les Sherpas se posent alors en véritable référence dans le monde de l'alpinisme. En ouvrant certaines voies, en portant une partie de l'équipement, en risquant leur vie pour sauver celle des autres, ils deviennent peu à peu les véritables héros de l'Everest. Et si la montagne est pour eux le domaine des dieux, comme le disait Tenzing Norgay, du sommet, on n'aperçoit pas le monde entier. Merci Mathieu Aoued. Samuel Vergès, vous êtes aussi un ancien alpiniste de haut niveau. Ces exploits réalisés par les pionniers de l'alpinisme ont-ils nourri votre imaginaire étant jeune? Est-ce qu'ils vous ont donné envie de partir à l'assaut de ces sommets? C'est sûr que les récits de ces grands alpinistes, de ces premiers alpinistes, c'est inspirant. Il faut se rendre compte que les conditions dans lesquelles ils grimpaient, ne serait-ce qu'au niveau matériel, au niveau des informations météo, etc., étaient tout autres par rapport à maintenant. Donc c'était vraiment des choses incroyables que finalement aujourd'hui on a encore du mal à imaginer en termes de réalisation. À partir de quand on a décidé d'utiliser des bouteilles d'oxygène pour tenter l'ascension de ces hauts sommets? Alors ça, pour le coup, ça a été une des manières de compenser l'altitude auxquelles on a rapidement pensé. Le problème du transport était toujours problématique, mais c'est une des manières qui sont apparues comme rendant possible dans un premier temps l'ascension à très haute altitude. Alors on parle souvent des exploits des Occidentaux qui gravissent les plus hauts sommets du monde. Ils le font avec l'aide des Sherpas qui les accompagnent, qui établissent les campements, qui montent le matériel. Mathieu vient de rendre hommage finalement à Tenzing Norgay, qui est le premier homme avec Edmund Hillary à avoir atteint le sommet. On a longtemps un peu passé sous silence son nom. Est-ce que des études ont été menées justement sur ces Sherpas qui passent leur temps sur les montagnes en haute altitude? Alors c'est vrai que ces Sherpas, quand on est sur le terrain, ils sont vraiment impressionnants, intrigants par les charges qu'ils portent, la vitesse d'ascension, le nombre d'ascensions qu'ils réalisent et puis leur état de fraîcheur que l'on voit bien. Et donc ça a aussi intrigué du coup les scientifiques pour essayer de comprendre quelles étaient leurs spécificités physiologiques. Et donc on sait maintenant que jusqu'au niveau génétique, ils présentent des adaptations qui sont très optimales pour l'environnement d'altitude et qui leur permet de garder des capacités physiques et un état de santé correct à très haute altitude. Donc c'est un peu le modèle à notre époque de l'adaptation très très bonne à l'altitude chez l'homme. Ouais, alors plusieurs études ont été faites, je crois en Éthiopie également, sur les hauts plateaux. Il y a celles dont on a parlé en début d'émission, dans les Andes, et puis sur les Sherpas, sur les populations du Tibet. On se rend compte que pour ces populations, il y a des améliorations, des mutations génétiques, améliorations, en tout cas adaptations génétiques. Alors c'est vrai qu'il y a ces trois grandes régions, les Andes, l'Himalaya et l'Éthiopie, où on trouve des populations exposées à la haute altitude depuis des milliers d'années, à la très haute altitude. Mais ces trois types de populations, ces trois catégories de populations présentent par exemple une fréquence de ce fameux mal chronique des montagnes très différente. Alors qu'il est de 10, 15, voire 20% dans les Andes, il est de quelques pourcents seulement pour l'Éthiopie et à peine plus en Himalaya. Donc on voit qu'il y a eu des voies d'adaptation qui ont été différentes. Alors une des explications, c'est que le temps passé, les milliers d'années passées à ces altitudes-là sont plus importants pour les Éthiopiens, les Himalayens que pour les Andéens. Mais on a là des exemples au niveau génétique très intrigants de voies d'adaptation différentes selon les régions du globe. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ont développé des adaptations, mais pas forcément les mêmes. Et évidemment, plus ces populations sont assez hautes altitudes de longue date et plus ces adaptations ont eu le temps de se mettre en place. Donc c'est une des pistes sans doute qui explique ces différences de susceptibilité au mal des montagnes. Oui. Alors les résultats de vos recherches ne concernent pas uniquement les alpinistes ou ces populations qui vivent dans les hauteurs. Il y aura et il y a déjà des applications pour ceux qui ne mettront jamais les pieds en montagne mais qui souffrent de certaines pathologies. C'est ça, en altitude, on étudie donc l'effet du manque d'oxygène, ce que l'on appelle l'hypoxie, sur l'organisme humain, chez des organismes qui par ailleurs sont un alpiniste et en bonne santé. Mais on a dans nos villes de plaine, dans nos hôpitaux, malheureusement, des personnes qui, eux, sont pas en altitude, mais qui, du fait de certaines maladies, par exemple des maladies respiratoires, font que le système respiratoire, les poumons, ne jouent plus proprement son rôle de diffusion de l'oxygène dans l'organisme. Et donc, on a des patients, des malades qui manquent d'oxygène dans leur organisme, alors qu'ils vivent en plaine, mais parce que le poumon est malade et ne diffuse plus assez d'oxygène à l'ensemble du corps. Donc c'est un peu comme si ils étaient soumis à une hypoxie, à un manque d'oxygène, mais c'est lié à leur physiologie. Et le fait d'avoir réfléchi, d'avoir compris comment faire face à cette difficulté-là, à ce manque d'oxygène, ça peut être un début de traitement. Voilà, c'est une voie d'inspiration. Des analogies en fait peuvent être faites entre l'altitude et puis la pathologie, la compréhension aussi de ces fameuses différences interindividuelles dont on parlait tout à l'heure en altitude entre ceux qui tolèrent, qui tolèrent pas, permet aussi d'expliquer les grosses différences entre différents patients qui semblent plus ou moins supporter leur pathologie. Alors plus surprenant, vous imaginez aussi avec votre équipe de recherche d'exposer artificiellement certains patients, certains malades à un manque d'oxygène. C'est-à-dire là, c'est en conditions contrôlées, on les met dans des caissons, on fait varier la concentration en oxygène, on diminue légèrement et ça peut avoir, dans certains cas, un effet bénéfique. Voilà, donc là, c'est encore un sujet d'étude passionnant et fascinant dans le manque d'oxygène, dans l'hypoxie. C'est que si lorsque l'homme manque trop, de façon trop importante d'oxygène, ben, il en souffre. Par contre, lorsqu'il est exposé à un peu moins d'oxygène que ce que l'on rencontre au niveau de la mer sur Terre, eh bien, c'est peut-être une manière de stimuler l'organisme, d'induire un certain nombre d'adaptations qui, finalement, vont le rendre plus résistant, en meilleure santé. Et donc, ça peut être une manière soit de prévenir potentiellement un certain nombre de pathologies, voire d'en traiter certaines autres. Et donc là, on est plutôt dans le côté positif du manque d'oxygène. Alors typiquement, les sportifs qui s'entraînent à l'altitude connaissent bien ça, mais maintenant, on réfléchit et on teste des applications chez le sujet sédentaire, voire le malade. Et on peut imaginer, alors là, de façon plus futuriste, que ces recherches aient une application aussi pour l'aventure spatiale, pour envoyer des hommes alors dans l'espace. Voilà, tout à fait. Là, ça peut paraître encore un peu plus exotique, mais c'est pourtant des vraies questions qui se posent. On a une certaine quantité d'oxygène, concentration d'oxygène sur la Terre, au niveau de la mer, mais c'est pas sûr qu'on arrive à reconstituer l'environnement aussi bien oxygéné lorsqu'on sera dans nos modules spatiaux sur la Lune, voire peut-être un jour plus loin sur Mars. Et donc, il y a un certain nombre de choix technologiques qui se présentent, et peut-être qu'on devra choisir de vivre avec un petit peu moins d'oxygène qu'actuellement au niveau de la mer sur Terre. Et nous autres qui irons habiter sur Mars, ben peut-être qu'on va devoir devenir un petit peu péruvien aussi, et c'est peut-être pas tout à fait anodin pour nos organismes. Ouais. La prochaine expédition, Samuel Vergès, c'est où, c'est quand ? Alors on retournera dans un premier temps dans cette ville au Pérou, la Rinconada, parce qu'on s'est engagé sur un programme de recherche avec la population sur plusieurs années, en particulier avec des solutions de traitement à tester avec eux, donc ça sera la prochaine étape. Ouais. Et alors pour suivre cette expédition, il y a le site internet, hein, Expédition 5300, on va mettre un lien sur la page du Vent dans les Synapses sur France Inter.fr, et comme ça, ça permettra de savoir quand sortira le film, puisqu'il y aura très prochainement un film sur cette expédition à découvrir. Un grand merci à vous, Samuel merci Vergès. Vous. Merci. Restez avec nous dans un instant. Nous mettons le cap sur l'Indonésie avec Shani, qui depuis plus de 20 ans se bat sur le terrain pour la préservation des gibbons. C'était Stay High, Britney Howard. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Après 8 mois dans les cages d'acclimatation, ici sur le site de relâché, on va enfin relâcher les 3 familles de Siamang. Ici, c'est Timothée et Nono qui vont enfin retrouver la liberté. Je peux pas vous expliquer ce que je ressens à l'heure actuelle. C'est juste l'aboutissement d'années et d'années de travail. Dans un certain sens, c'est vrai que c'est plutôt ironique que ce soit un étranger qui défende la vie sauvage ici. Car c'est notre héritage et nous devons le préserver. Bonjour Shani. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous, ce Français qui vous battez pour ces gibbons en Indonésie. Vous avez d'ailleurs reçu ce surnom de Chani qui veut dire gibbon en thaïlandais. Aujourd'hui, c'est en Indonésie que vous vous battez pour protéger ces gibbons. À quoi ressemblent ces singes et comment vivent-ils ? Alors c'est un petit singe par sa taille, il fait à peu près 1 mètre de haut quand il est debout, mais il fait partie des grands singes au même titre que le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, c'est donc un singe proche de l'homme. Et il a de très longs bras puisqu'il s'est spécialisé dans un mode de déplacement qu'on appelle la brachiation, il se balance sous les branches et son monde à lui c'est la canopée. Alors c'est pas uniquement la forêt mais uniquement la canopée, donc la cime des arbres à 30 mètres du sol. Et alors il a un mode de vie très précis, monogame, fidèle. Fidèle, voilà, dans la plupart des cas. Et il est aussi très territorial puisqu'il va vivre sur la même parcelle de forêt toute sa vie, donc il protège sa parcelle contre toutes les autres familles de gibbons. Et on l'a entendu dans le petit sujet, ces longues vocalises qui poussent, c'est justement pour des raisons territoriales, dire aux autres gibbons, ici c'est notre territoire, inutile de venir essayer de nous le prendre ou de rentrer sur nos terres. Et combien d'espèces de gibbons existent-ils dans le monde ? Il existe une vingtaine d'espèces de gibbons, toutes dans le sud-est asiatique, donc de l'Inde jusqu'à l'Indonésie. Et puis au nord, ça va être le sud de la Chine. Et alors, en Indonésie, plus spécifiquement, c'est un peu le pays des gibbons. Il y a combien d'espèces ? Il y a 7 espèces de gibbons. Et surtout, elles sont toutes endémiques des différentes îles où elles se trouvent. Donc les gibbons qu'on trouve à Bornéo ne se trouvent qu'à Bornéo. Les espèces de gibbons qu'on trouve à Java, qu'à Java. Et pareil pour Sumatra. Alors décrivez-nous l'endroit où vivent ces espèces et où vous avez installé vos centres de protection. Alors on est sur l'équateur, donc c'est une forêt équatoriale dense, très humide, où on a des géants, des arbres qui font plus de 60 mètres, qui émergent de la canopée justement, souvent utilisés pour les gibbons d'ailleurs pour dormir, leurs arbres de couchage. C'est un environnement extrêmement riche en termes de biodiversité. Et malheureusement sur l'équateur, donc il y a forcément des problématiques aussi de déforestation liées aux activités humaines. Mais le gibbon, voilà, il ne vit exclusivement que dans ces forêts denses. Dès que la forêt est fragmentée, pour lui, ça va être un vrai souci. Et voilà, et c'est ce souci auquel vous essayez de remédier, puisqu'il pèse des menaces sur ces gibbons et sur leur environnement. Exactement, la déforestation pour cette fameuse huile de palme que je pense beaucoup de gens ont déjà entendu parler, qui se retrouve un petit peu partout dans l'alimentaire et cosmétique, etc. Mais aussi et de plus en plus dans nos carburants, qui provoque une déforestation massive là-bas, donc une perte de leur habitat. On a compris, le gibbon ne vit que dans la canopée, à tel point qu'il ne s'est pas adapté à son système immunitaire, ne s'est pas adapté aux bactéries et parasites présentes au sol. Donc si jamais il doit descendre parce que la forêt a été abîmée, il doit passer d'un îlot de forêt à un autre, il va finir par mourir parce qu'il va tomber malade. Et alors avec votre association Calawait, ce centre de protection que vous avez mis en place sur le terrain depuis plus de 20 ans maintenant, quelles sont les actions que vous menez exactement alors à Bornéo et à Sumatra? Voilà, 2 centres à Bornéo et Sumatra. Donc dans un premier temps, récupérer tous ces gibbons victimes des trafics et de la déforestation, essayer de les réhabiliter pour un jour les relâcher dans la nature. Mais en plus de ça, essayer de faire en sorte de sauver les gibbons lorsqu'ils sont encore dans les arbres. C'est-à-dire que depuis quelques années, on achète des terrains pour créer des réserves privées. C'est-à-dire que on met la main sur cette forêt qui pourrait être déforestée par une compagnie ou un propriétaire terrien pour faire des palmiers à huile. Eh bien nous, on essaie d'acheter en tout cas avant pour protéger ces arbres, protéger ces animaux et créer des réserves sur le long terme. On a comme ça des centaines de gibbons qui aujourd'hui vivent dans nos réserves en complète liberté et en sécurité sur le long terme. Et vous avez aussi créé une radio Calawait. Exactement, ça suffit pas d'essayer de venir en aide à ces animaux détenus chez les gens, essayer de protéger ces animaux dans la forêt. Il faut aussi travailler avec les populations locales, parce qu'un illuminé de Français en Indonésie va pas faire la différence, pas le soutien des gens. Et c'est comme ça, grâce à la radio Calawait, on a des milliers d'auditeurs qui nous soutiennent, qui nous appellent dès qu'ils voient un animal en détresse, et c'est notre force. Alors dimanche 13 octobre prochain, vous donnerez une conférence à 16h30 dans le cadre du festival Atmosphère qui se tiendra du 8 au 13 octobre à Courbevoie-la-Défense et dont France Inter est partenaire. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent donc venir vous voir lors de cette conférence. Un grand merci à vous, Chani. Merci à vous, merci beaucoup. Et nous allons mettre en lien sur la page de l'émission le programme du festival Atmosphère. Je précise que ce festival est un des nombreux événements organisés dans le cadre de la semaine de la fête de la science qui démarre aujourd'hui dans toute la France métropolitaine. Beaucoup de manifestations, de conférences, d'animations, d'ateliers. Il y a forcément quelque chose qui doit se passer près de chez vous. Pour consulter le programme, rendez-vous sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Bonne fête de la science à tous. La semaine prochaine, nous serons en direct et en public au festival Les Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Si vous êtes dans le coin, passez donc nous voir, ça nous fera plaisir. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Et tout de suite, place à la musique avec Jean-François Zigel et sa preuve par Z.